18-25, activation orale, impératif positif et pronom. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. Un. Ne la dérange pas. Et vous dites. Laisse-la tranquille. Deux. Ne dérange pas tes sœurs. Laisse-les tranquilles. Trois. Ne dérange pas Robert. Laisse-le tranquille. 4. Ne me dérange pas. Laisse-moi tranquille. 5. Ne nous dérange pas. Laisse-nous tranquille. 6. Ne dérange pas Mireille. Laisse-la tranquille.